En Corée du Sud, le rassemblement à la bougie de 100 jours contre la disposition du SAD par les États-Unis et les autorités sud-coréennes a eu lieu le 20 courant à Songju de la province de Gyeongsang du Nord. Y ont participé plus de 900 personnes, y compris les habitants de Songju et autres, venus de Kimsun, de Daegu et d'autres.